FrenchPod.com. Retourne-toi si tu es un homme. Tu ne m'impressionnes pas, Jesse James. Je connais beaucoup de gars comme toi qui ont dit la même chose et qui le regrettent maintenant. C'est ce qu'on va voir. T'as vu l'heure, Loïc ? Au lit. Tu continueras ta bande dessinée demain.